lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, de retour après deux semaines d'absence. On s'excuse, chers auditeurs, mais nous sommes de retour en force. Une grosse émission aujourd'hui avec Monsieur Andrew Castegan. Ça va bien, Andrew? Bonjour. Andrew qui est à la console et chroniqueur également. Ça va. Un peu gorge irritée. Fait que vous me pardonnez si je m'étouffe pendant que je parle. Jamais. Ce n'est pas voulu, je vous en assure. Inquiète-toi pas, Andrew, on va te pardonner. Et aujourd'hui, on va faire des nouvelles ludiques et deux grosses nouvelles, en tout cas, dans le monde du jeu. On va revenir sur une conférence de Nintendo qui a eu lieu deux semaines. Personnellement, ma petite montée de lait, vous vous rappelez, la dernière émission où on a participé, j'étais tout enthousiaste, je me disais, Nintendo nous a écoutés, enfin, nous qui leur suggérait d'annoncer des choses. Ça n'a pas tourné comme on pensait. Et aussi en même temps, un gros projet qui fait sensation, qui a été annoncé il y a 48 heures, le Ouya. Plus de détails tantôt. Et moi, pour ma part, je vais vous parler d'un excellent jeu, un excellent jeu de rôle sur PC et Xbox, The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition. Ça va être une chronique qui va venir tout de suite après Madame Chantal Campagna, alias Fraulein Evil, qui est notre collaboratrice de distribution Dood, qui va nous parler jeux de plateau et jeux de société tantôt. Tout de suite après la première chanson, on vous rappelle avant toute chose que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos anciennes émissions, des podcasts, des nouvelles et bien d'autres choses encore. Si vous voulez nous contacter, vous passez par là ou par notre Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans Facebook, vous allez nous retrouver très facilement. Venez aimer notre page parce que nous, on vous aime. Vous pouvez toujours aller aussi sur le site de CKIA FM, le www.ckiafm.org, pour aller chercher votre carte de membre. Je le dis à chaque émission, mais c'est très important. Encourager la station, c'est aussi encourager votre émission préférée et aussi un micro libre et de la musique différente à Québec sur les ondes. Et en parlant de musique différente, on va commencer avec une excellente chanson tirée de la trame sonore du film Transformer. Et là, je vous parle du film animé Transformer où on voyait la mort d'Optimus Prime, le seul vrai film de Transformer. Donc tu parles pas des films de Michael Bay. Pas du tout. Et vous allez entendre une excellente chanson qui s'appelle Dare, vous entendez, de monsieur Stan Bush, qui avait fait quelques chansons sur la trame sonore de ce film là et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Of all the things I Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Oh oui, de retour à Puissance Maximale et on est avec notre collaboratrice, Madame Chantal Campagna, alias Fraulein Evil, de Distribution Dude. Ça va, Chantal? Oui, ça va bien. Excellent. Et on va parler jeux de plateau, jeux de société aujourd'hui avec toi. Encore une fois, merci d'être là à tous les mois avec nous pour nous parler de ça. On va commencer avec un jeu qui a gagné un prix, un jeu qui s'appelle Kingdoms Builder. Ben oui, Kingdom Builder, c'est un jeu qui est édité par la compagnie allemande Queen Games, qui, eux, se spécialisent finalement dans le jeu grand public Borderline Stratégie. Donc, cette année, ils ont gagné le grand prix qui s'appelle le Spiel de Jahres, en fait, avec Kingdom Builder, après avoir été nominé de nombreuses fois. Donc, l'année passée, ils avaient été nominés avec Fresco, le prix leur avait échappé. Donc, cette année, on est très, très contents pour eux. Queen Games, c'est une superbe compagnie. Ils font des jeux en version multilingue. Les versions françaises sont toujours d'une qualité impeccable. Et ils ont aussi une vocation sociale en plus. Ils sont très impliqués dans des programmes sociaux en Inde pour lutter contre les castes, pour lutter contre le travail des enfants, pour vraiment encourager l'éducation. C'est de toute beauté. On est très, très contents pour eux autres. Kingdom Builder, je pense qu'elle méritait amplement. On nous parle de quel genre de jeu ici pour Kingdom Builder? Est-ce qu'on est... Je vous entends très, très mal. Est-ce que tu m'entends mieux? Non. Bon. on va essayer de continuer comme ça. Je vais me concentrer. C'est bon. Donc, comme je disais, pour Kingdom Builder, il faut s'attendre à quel genre de jeu stratégique? En fait, Kingdom Builder, c'est un jeu qui est quand même assez léger. Ça s'adresse vraiment à une clientèle de monsieur, madame, tout le monde. C'est, je dirais, une complexité qui se rapproche des colons de Catan. On a un plateau modulable qui, pour une fois, ne nous propose pas la forme éternelle de l'hexagone. On va choisir des tuiles au début. En fait, on va tirer des tuiles au début de la partie qui vont déterminer aussi les trois conditions qui vont apporter des points de victoire en cours de partie. Donc, chaque partie va être différente parce qu'on ne pigera pas toujours, évidemment, les pièces modulables qui vont constituer le plateau. Une fois que le plateau va avoir été constitué, ce qu'on va devoir faire en tant que joueur pour aller chercher des points de victoire, c'est de faire évoluer nos royaumes sur le plateau. Donc, on va poser nos résidences, on va poser nos bonhommes et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire grandir nos royaumes en essayant de bloquer les autres joueurs tout en allant chercher les conditions de victoire gagnante à la fin de la partie. Donc, c'est un jeu qui offre un potentiel de rejouabilité qui est pratiquement infini. C'est la beauté de la chose. Par contre, comme dans tout bon jeu allemand qui se respecte présentement en 2012, il y a des règles avancées qui sont aussi incluses dans la boîte pour ceux qui sont un petit peu plus mordus, qui préfèrent un petit peu plus de stratégie. Excellent. Donc, un bon jeu, stratégie, développement, un peu guerre qui nous... Non, il n'y a pas du tout de guerre, en fait. Pas de combat. On peut bloquer des joueurs, mais on n'a pas accès directement à interférer dans leur jeu ou à faire sauter leur pitoune, là. Fait que finalement, on vient bloquer leur développement. C'est un jeu qui reste court. On parle de 30 à 45 minutes. Donc, c'est très, très accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Pour le gamer qui sommeille en nous, ça sera ce qu'on appelle un filler. Donc, quelque chose qu'on joue en début de soirée pour nous réchauffer les neurones avant de sortir le gros, gros jeu. Excellent. Ben, on parlait de Kingdoms Builder. Et on y va avec aussi, on s'en vient avec, parce qu'il y a le festival Juste pour rire qui s'en vient, mais avec Juste pour rire, il y a le festival Juste pour jouer aussi. Oui, en fait, c'est assez génial. C'est un concept qui est emprunté du festival de jeux de Cannes qui se passe à Cannes, en France. Roson est allé visiter, il a été séduit par le principe, a décidé de l'intégrer dans son festival Juste pour rire. Donc, on a droit à 2 semaines ludiques ici sur le site du festival Juste pour rire, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Il y a un espace juste pour jouer qui a été aménagé et il y a un organisme qui s'appelle Socio-Jeux qui vont fournir des animateurs et qui vont faire rouler des jeux à fond la caisse dans cet espace qui est vraiment dédié aux jeux. Donc, 2 semaines ludiques. Les gens peuvent se promener sur le site, entrer dans l'espace juste pour jouer, s'asseoir 5 minutes, essayer un jeu, se le faire expliquer et après continuer leur visite, revenir plus tard. C'est vraiment super génial. Mais oui, Socio-Jeux qui est une gang de Québec. Monsieur Francis Gagnon, qu'on a déjà reçu à l'émission, qui est venu nous parler de son organisation, le Socio-Jeux, qui est ici à Québec, qui propose ce genre d'activité-là à l'année. Donc, Monsieur Gagnon, là, on l'aime beaucoup ici à Puissance Maximale. Et il nous en avait parlé justement de Juste pour jouer la dernière fois qu'il était venu cet hiver. Donc, Monsieur Francis Gagnon qui s'occupe encore cette année de la portion Juste pour jouer, de Juste pour rire cet été à Montréal. Oui, bien sûr. Oui, on espère aussi qu'il va continuer pendant de nombreux années à s'en occuper. Alors, le thème de cette année, c'est les jeux de chance. Évidemment, un petit clin d'œil à l'Auto-Québec. Donc, on va retrouver des jeux de dés à profusion, Zombie Dice, LCR, Cthulhu Dice. Ça va rouler à fond la caisse. Excellent. Des très bons jeux, d'ailleurs. Je trouve que ça se colle bien avec le genre d'ambiance qu'on va avoir pendant ce festival-là. Court, rapide, mais très, très, très amusant comme jeu. Oui, effectivement. Très ludique. Et on vous parle aussi d'un autre événement qui s'en vient dans pas long. Otakuton, évidemment, Otakuton oui, qui s'en vient alors rapidement. Alors, à Montréal, c'est l'Otakucon. C'était l'Otakuton. Donc, ça sera les 3, 4 et 5 août. Et cette année, c'est au Palais des Congrès à Montréal. Donc, vraiment, une grosse affaire. Cette année, ce qui innove, c'est qu'il y aura une salle de jeu pour les jeux de plateau, une salle qui sera beaucoup plus grande que l'année passée. Et cet espace pour jouer sera ouverte pendant 48 heures en ligne. Donc, marathonniers, à vos dés, soyez prêts. On joue pendant 48 heures, donc, et dans le cadre de ce jeu, il y aura plusieurs fournisseurs qui seront là à faire des démonstrations de jeux. Il y aura aussi des animateurs qui seront présents pour expliquer les jeux. Il y aura des copies de jeux qui vont être disponibles pour les gens qui veulent s'auto-servir, finalement, qui ont déjà joué à ce jeu-là et qui sont prêts à l'expliquer à une gang d'amis. Ils pourront l'emprunter de façon gratuite. Ça ne coûte rien de supplémentaire pour entrer dans la salle de jeu. Et il y aura aussi beaucoup de tournois qui vont être organisés par Carta Magica. Il y aura, entre autres, un super jeu de dés, parce qu'on est dans les jeux de dés, n'est-ce pas? Qui s'appelle Iron Die, qui va être mis à l'avant cette année. Donc, il va y avoir des démonstrations pendant toute la fin de semaine et il va y avoir un tournoi le dimanche pour couronner finalement le succès de ce jeu qui est vraiment de toute beauté. Il faut passer par-dessus la beauté du dé pour vraiment découvrir le jeu. C'est absolument extraordinaire. Complexité, c'est des étages et des étages et des étages. C'est un oignon stratégique. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, Puissance Maximale va peut-être être à Otakuton cette année. On est en train de s'organiser pour pouvoir être là. Et évidemment, si Puissance Maximale est sur place, on va aller voir ça pour vous. Et on va aller saluer Chantal, comme d'habitude. Et aussi, ça fait super. Il y a aussi le Geek Fest aussi qui s'en vient, qui est de retour à Montréal. Il va y avoir du jeu là-bas également. Oui, c'est très actif cette année, le Festival du jeu ici à Montréal, localement. Donc, le Geek Fest, c'est seulement pendant une journée cette année. Mais quand même, ça sera, c'est un peu un melting pot de un peu n'importe quoi. Et ça tourne vraiment autour du jeu. Donc, il y aura des jeux de PC, mais il y aura aussi du jeu de rôle. Il y aura aussi du jeu de plateau. Sans problème, si vous voulez jouer, vous vous présentez et vous allez certainement dénicher quelque chose d'intéressant qui va vous faire triper. Donc, c'est à l'hôtel Expresso sur la rue Guy à la station Lucien Lallier et c'est le samedi 14 juillet, donc cette fin de semaine. Vous pouvez encore acheter des billets à précommande à 10$, sinon à la porte, c'est un gros 15$. Donc, vraiment pas la fin du monde pour passer une journée vraiment à se faire stimuler avec plein de jeux. une autre belle fin de semaine de jeux au GeekFest. Et là, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Coconuts. Coconuts, ça, c'est le jeu niaiseux de l'été, finalement. Donc, ce qu'on va avoir, ce sont des batailles d'animaux et on doit regarder les cartes. Donc, trois cartes vont être retournées de façon simultanée. Et le plus vite possible, on doit déterminer l'issue de la bataille parce que les animaux se promènent dans la forêt et lorsqu'ils se rencontrent, parfois, il y a de la bataille. Donc, la souris va faire peur à l'éléphant va faire peur au chat et le chat va manger la souris. Donc, par exemple, si on se retrouve avec deux souris et un chat, il faut tout de suite pogner le petit morceau de coconut qui correspond à la victoire chat. Si on se trompe, on se pogne un jeton de la honte qui nous vaut moins un point à la fin de la partie. Donc, c'est un jeu d'observation vitesse, c'est jusqu'à 6 joueurs. C'est vraiment un jeu à traîner dans son sac, à sortir n'importe quand. C'est vraiment drôle, super niaiseux et on ne se casse vraiment pas la tête. Le genre de jeu que j'aime bien habituellement. Donc, Coconuts. Et un autre jeu dont tu vas nous parler, Kingdoms Knisa l'Éternel. Oui, Kingdoms, en fait, oui, c'est Kenedia, Rainer Kenedia l'Éternel. En fait, c'est la troisième édition de son jeu Kingdoms, qui avait été édité pour une première fois au début des années 2000 par Fantasy Flight. Donc, ça s'appelle toujours Kingdoms. C'est encore super, super stratégique et en même temps d'une simplicité absolument désarmante. Donc, à son tour, on pige une tuile et on va la placer sur le plateau de façon à remplir un plateau qui va se retrouver avec 5 rangées et 6 colonnes. Ce qu'on veut, c'est poser nos châteaux de façon stratégique pour être capable de gagner les points correspondants à la rangée et à la colonne de notre château. Malheureusement pour nous, les autres joueurs vont essayer de mettre des points négatifs, des trolls, des dragons dans nos rangées pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est vraiment superbe. Ça se joue en 3 manches. C'est de 2 à 4 joueurs. Monsieur, madame, tout le monde, c'est à partir de 10 ans. C'est vraiment superbe. Et très court, c'est 20 à 30 minutes. Un bon petit jeu de stratégie, justement, entre le dessert et le fromage à la fin du souper. Excellent. Exactement. Et en plus, il faut dire aussi que cette réédition est vraiment superbe. Ils ont mis le paquet au niveau graphique. Ça fait du bien aux yeux. Excellent. Un autre jeu, Crime Box, un jeu d'enquête. Crime Box, c'est un concept vraiment novateur d'une petite compagnie qui s'appelle Ludonaut, qui nous ont déjà donné Yggdrasil et Chitano. Maintenant, ils s'en vont vraiment dans une tangente extrêmement différente avec une nouvelle gamme qui s'appelle Ludobook. Et dans ce premier opus, Crime Box Investigation, ce qu'ils nous offrent, ce sont 3 nouvelles policières qui sont complètement inédites. Il y en a une qu'on lit et on a la perspective des policiers. La deuxième, on a la perspective des avocats de la défense et l'autre, on a les perspectives du procureur. Dans ce livret book de ce ludobook, finalement, on a aussi un jeu de cartes qui peut se jouer de 2 façons. Donc, d'une façon, on va piger des éléments du crime et lorsqu'on a entre nos mains un scénario qui est plausible, on peut jouer nos cartes en disant « Moi, je sais ce qui s'est passé et voici, voilà. » Donc, on joue nos cartes et on raconte l'histoire. Si les autres joueurs sont d'accord, à ce moment-là, la partie est terminée et tout le monde se dit « Ben, coudonc, bravo, quel esprit de détective en toi. » On peut aussi continuer le jeu et à ce moment-là, les joueurs vont faire des paires. Donc, le procureur va accuser des joueurs, finalement, et les autres joueurs vont jouer les avocats de la défense. Donc, là, on se retrouve vraiment dans un jeu d'improvisation où on essaie de convaincre le jury de la culpabilité ou de l'innocence de son client. Donc, vraiment, on parle d'une mécanique de jeu novatrice et on parle aussi de parties qui ne peuvent jamais être pareilles à cause de la multitude de cartes. Excellent. Ça m'intéresse beaucoup. Genre de jeu d'improvisation comme ça, là, je trouve ça très intéressant comme concept. Oui, les audiobooks, en fait, vont arriver sur le marché ici au Québec dans un mois et demi, deux mois. Donc, juste à temps pour la rentrée. Mais ils viennent tout juste de sortir en France et présentement, c'est vraiment la sensation du moment. C'est ça fait du bien. Ce sont des jeux qui sont vraiment intelligents. On va surveiller ça sur les tablettes à l'automne. Et, oui, à l'automne, sûr et certain. Et autre jeu, maintenant, 3, une réédition. Oui, bien 3, en fait, c'est un jeu qui avait été édité une première fois en 2010 et qui vient d'être réédité en 2012 dans toute sa splendeur. Vraiment, le graphisme est très, très réussi. Le plateau est superbe, le matériel de qualité. Et c'est un jeu, en fait, qui s'apparente beaucoup à Tournée, dont on a déjà parlé. Donc, c'est en l'an 2100 et la cathédrale de Troyes sort de terre et ne sera achevée que 4 siècles plus tard. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on incarne des familles champenoises qui sont très riches et qui vont user de leur influence pour recruter et diriger des habitants dans 3 domaines d'activité. Donc, il y a le militaire, les religieux et le civil. Donc, les religieux, eux, aiment bien de se mêler d'un peu de tout et vont aider les militaires et les civils à, évidemment, construire la cathédrale le plus rapidement possible. Les militaires essayent de tirer un peu la couverture de leur bord pour être capables de défendre la ville contre les barbares. Et les civils, eux, essayent d'apporter leurs connaissances pour aider les deux, finalement, à maximiser la défense et maximiser aussi la construction. Donc, c'est un jeu qui va se jouer avec des dés. Alors, moi, j'aime beaucoup les dés, évidemment. Donc, les habitants de la ville vont déployer une force de travail qui se matérialise par des dés. Et on va utiliser les dés lors des phases d'action pour activer des cartes activités. Donc, les cartes activités vont nous permettre de construire la cathédrale, de lutter contre des événements, de recruter des nouveaux habitants, etc., etc. Malgré l'apparence de complexité, c'est un jeu qui est quand même assez simple. La mécanique est hyper fluide. Et on parle d'un maigre 6 pages de règles. Mais c'est quand même un jeu qui se joue de façon intense pendant 1 heure, 1 heure et demie. Excellent. Mais je te remercie beaucoup, Chantal, pour ces belles suggestions de jeu. Écoute, c'est déjà terminé, ça passe tellement vite. Je te remercie beaucoup d'avoir participé encore à Puissance Maximale cette semaine. Ben, ça me fait plaisir. À bientôt. À la prochaine, Chantal. Bye. Et on continue en musique avec une chanson qui s'appelle I'm on a Boat du groupe Lonely Island qu'on fait jouer une fois de temps en temps ici à l'émission. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Champ, cause it's so crisp. I got my swim trunks and my flippin' floppies. I'm flippin' burgers, you at Kinko straight flippin' cabbage. I'm riding on a dolphin, doing flips and shit. This dolphin splashing, getting everybody away. But this ain't SeaWorld, this is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget. I'm on a boat and it's going fast and I got an nautical theme, patch me to Afghan. I'm the king of the world. If you own the show, then you show not me, oh. Get the fuck up, this boat is real. Fuck land, I'm on a boat, motherfucker. Fuck trees, I climb buoys, motherfucker. I'm on the deck with my boys, motherfucker. The boat engine make noise, motherfucker. je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec une chronique, sur une critique en fait du jeu The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition, donc édition améliorée. Un jeu que vous pouvez retrouver sur PC, Xbox 360 et sur Mac. En fait, la première sortie de ce jeu-là, qui est la suite du jeu The Witcher, vous avez bien compris. Pas vrai? Ben oui. Est sorti en mai l'année dernière, 2011, mais l'édition améliorée est sortie en avril dernier. Et je peux vous dire que moi, l'année dernière, en 2011, c'était un de mes coups de cœur RPG. Et je peux vous dire qu'avec la version, j'en avais pas parlé à l'émission, j'attendais de pouvoir réessayer le jeu avec vraiment un PC performant, ce qui est arrivé. J'ai changé de PC récemment et je peux me permettre de jouer à des jeux, mais vraiment, vraiment demandants. Et je peux vous dire que Witcher 2, côté graphique, c'est quelque chose, mais pas juste côté graphique. Donc, Witcher 2, un jeu qui a été édité, entre autres, par Atari, Namco Bandai et Warner Brothers. Un jeu qui a été fait par CD Projekt Red. Et je peux vous dire que le premier, c'était vraiment intéressant. C'est basé sur une série de romans de fantasy très sombre, polonais en fait, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Vous jouez le rôle de Geralt of Rivia, un Witcher, en français ils appellent ça un sorceleur, et qui sont en fait des chasseurs de monstres, des alchimistes, des combattants qui vont justement, c'est des mercenaires qui combattent pour tuer des monstres. Mais Geralt, dans le premier Witcher, est entraîné dans une conspiration politique, finalement, où il va participer à la destruction d'un ordre de chevalerie dans le premier Witcher, et il va aussi sauver un roi. Là, je fais un peu un spoiler, mais si vous n'avez pas joué Witcher 1 encore, c'est plus que le thème. De toute façon, on n'a pas le choix pour expliquer Witcher 2. On se retrouve un mois après le premier jeu, et vous avez sauvé le roi Foltes dans le premier jeu. Et il vous traîne partout maintenant. Vous êtes un peu son garde du corps, son homme chanceux. Il veut totalement que vous soyez près de lui, et vous participez à la guerre, parce que lui, en voyant ça, il est parti faire la guerre contre l'ordre de chevalerie qui est en train de faire la conspiration dans le premier jeu. Et aussi, à la fin de cette campagne-là, il retourne vers le château Lavalette, où une baronne avec qui il a couché a eu des enfants, des bâtards de lui, et toute une histoire de, justement, il ne les reconnaît pas, puis il y a des seigneurs rebelles à travers ça, puis il veut que vous soyez là pendant la bataille. Et de là commence tout le jeu, où vous allez justement rentrer dans les hautes sphères politiques de ce royaume, des différents royaumes de ce monde-là. Vous allez combattre des monstres, des humains, et autres créatures, et aussi vous allez faire partie d'une rébellion des elfes et des nains, parce que dans ce monde-là, les elfes et les nains sont considérés comme des sous-races, ils sont dans des ghettos, sont maltraités par les humains, et il y a évidemment une rébellion qui essaie de changer l'ordre des choses. Donc vous avez tout ça, tout ce storyline-là qui est assez complexe, mais très intéressant, où votre personnage va être plongé, il va falloir qu'il joue avec tout ça pour essayer de faire plaisir à tout le monde, ou se faire plaisir à lui-même. C'est aussi les choix qu'on va avoir à faire dans ce jeu-là. Donc, on parle d'un jeu RPG action quand même, parce que le système de combat est assez simple, dans le sens où on va se battre contre quelqu'un, c'est du clic. On va peser sur le bouton le plus rapidement possible. Un peu comme Diablo. Pas tant que ça. Il y a quand même, il faut éviter les coups. Il y a des blocs. Il y a quand même, on peut pas vraiment se guérir en combat, parce que c'est des alchimistes, les Witchers, ils prennent des potions, mais il faut méditer pour prendre des potions. Ça prend un temps, puis en combat, on ne peut pas faire ça. C'est vraiment hack and slash dans le système de combat, mais beaucoup plus complexe, dans le sens où il faut vraiment penser stratégie, surtout avec les nouvelles difficultés, parce que dans la version améliorée du Witcher, il y a la difficulté Dark, qui est vraiment axée sur chaque combat, est très difficile. Il faut penser stratégie, il faut penser préparation avant chaque combat. Donc, certaines critiques avaient dit que le système était un peu simpliste. Moi, je le trouve efficace, justement, parce que les combats, ça se passe rapidement, c'est des combats dynamiques, c'est des beaux combats, il y a vraiment ça fait chorégraphie un peu, il y a de la riposte, il y a de la magie, parce que le Witcher fait aussi de la magie. Geralt fait ce qu'on appelle des signs, qui fait différents trucs, il lancer du feu, faire comme une force qui repousse et qui immobilise les gens, des runes de protection autour de lui, des runes d'immobilisation, et même peut contrôler les gens à distance. Donc le combat, moi je trouve que c'est excellent, très dynamique. Le seul problème de jeu là, je trouve, c'est qu'on va se trouver dans une histoire quand même linéaire. On a quelques choix. On a au chapitre 2 du jeu, ben on a deux choix dans des voies où aller, qui on va aller aider. mais ça reste que c'est quand même assez linéaire. Nos choix vont pas avoir une si grande importance que ça dans le jeu. Une bonne valeur de rejouabilité si vous voulez essayer l'autre voie à suivre, si vous voulez aider les rebelles ou les forces spéciales du royaume de Temeria, c'est le choix que vous allez avoir au chapitre 2. C'est la différence principale que vous allez avoir dans ce jeu-là. Donc, valeur de rejouabilité intéressante. Si vous aimez vraiment le jeu, vous êtes vraiment entré dedans et si vous voulez voir les deux côtés de la médaille. Un peu un problème, mais en même temps, dans les jeux RPG, c'est rare d'avoir quelque chose de non linéaire si on n'est pas dans un monde. En tout cas, moi, personnellement, si on n'est pas dans un jeu à monde ouvert comme dans Skyrim. C'est très différent de Skyrim, ça reste plus classique un peu comme RPG, mais c'est un excellent choix. Et un truc qui est frappant, surtout quand vous avez une machine très récente côté PC, faudrait voir, j'ai pas vu la version Xbox ou Mac, là, mais moi, je viens d'acquérir quelque chose d'assez puissant côté PC et je peux vous dire que c'est un jeu magnifique. C'est le plus beau jeu que j'ai vu PC depuis longtemps et j'inclus là-dedans les Battlefield 3 et Skyrim. Skyrim, c'est un beau jeu, certes, mais il y a quand même un côté texture rapproché. C'est pas la force de Skyrim. Il y a bien d'autres forces dans ce jeu-là. C'est un excellent jeu. Faut pas lui enlever ça. Mais Witcher, côté, je peux vous dire, j'ai vu les plus beaux panoramas, les plus beaux décors, les plus belles textures dans ce jeu-là. Si vous voulez avoir justement un bon, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur 2012, Skyrim est en fin 2011, là, mais c'est mon coup de cœur, là, la version améliorée. Pour ceux qui veulent savoir la différence entre les deux, c'est surtout du matériel de plus, comme des guides de joueurs, de la trame de son, des vidéos d'expliquer qui montrent le jeu, des nouvelles cinématiques pendant le jeu, des 4 à 5 heures de jeu supplémentaires. Ils ont retravaillé les graphiques, et en plus, ceux qui avaient le jeu original, ils pouvaient l'avoir gratuitement. On allait faire la demande sur le site puis on l'avait. Donc c'est, puis en plus, ce que j'aime bien, ça vient du, il y a une version de jeu qui vient du site GOG.com qui sont réputés pour faire des jeux sans contrôle. On en avait parlé avec les DRM, les fameux DRM là, Andrew, on en avait parlé, on en parle tout le temps en fait. Genre de jeu pour contrôler l'authenticité des copies. Une de mes multiples frustrations de joueur PC. Ben c'est ça, mais le GOG, le site GOG n'en fait pas pour pouvoir permettre aux gens de télécharger le jeu et de faire eux-mêmes leur backup sur DVD, ce que je trouve quand même très intéressant. Ça ouvre quand même la voie très large au piratage à ce niveau-là, mais quand même, faut leur donner ça, très facile à avoir sur sa machine, facile à manipuler, facile à backuper. On fuck pas le chien là, avec Witcher 2 là, et les jeux qui viennent de ce site-là. Mais dis-moi, Mike, est-ce que ce jeu est cheater-friendly? Pas tant. Et j'en arrivais parce que quand je joue PC, je cheat souvent. Surtout quand je joue tout seul. Et je peux vous dire que il faut aller chercher des trainers ou aller chercher carrément des mods sur, vous connaissez, on avait parlé avec le site Nexus avec des mods pour Skyrim. Il y en a aussi pour Witcher. Il y en a beaucoup moins. Il y en a quelques-uns qui peuvent vous dépanner. Mais il y a rien de très abusif, là. On parle de trucs pour enlever les poids des items, pour arrêter de voyager entre les coffres, des trucs du genre. Mais si vous voulez, il va falloir vous chercher un trainer sur Internet. Et avec les dernières updates, c'est pas si évident. J'ai quand même eu un petit peu de difficulté à faire marcher le tout. Mais quand même, j'ai réussi. Donc, allez-vous chercher un trainer si vous voulez cheater sur Witcher 2. Mais vous allez voir, ça vaut la peine. C'est un excellent jeu. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année 2011-2012 côté RPG. Allez-vous chercher ça sur les internets. Et on continue rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à vous parler. Il reste peu de temps avec une petite publicité et on vous revient. Les épées du Randil sont forgées dans les mines par des nains. C'est vrai. Avec ça, c'est facile de tuer un troll avec une seule main. Pas besoin de super entraînement ni de niveau 28. Quand tu sors l'instrument, c'est l'ennemi qui prend la fuite. Avec ton épée du Randil, quand tu parcours les chemins, tu massacres sans peine les brigands et les gobelins. Les rats géants, les ogres mutants, les zombies et les liches. Tu les découpes en tranches comme si c'était des parts de quiche. Les épées du Randil. Les épées du Randil. Tu la sors dans un donjon, au moins t'as pas l'air débile. C'est l'arme des bourrins qui savent être subtils. Ne partez pas à l'aventure sans votre épée du Randil. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale. Installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente pub des épées d'Urandil. Ça vous en prend une. Si vous êtes parti à l'aventure sans une, allez vous en chercher. Et Andrew, on va parler nouvelles et une nouvelle de dernière minute. Le président de IE, ça serait fait montrer la porte? Oui, ben le PDG, en fait, c'est à prendre avec des pincettes actuellement. Ça vient de sortir par le biais du site Gamefront, qui normalement est une source quand même relativement fiable d'informations. Le PDG d'Electronic Arts, Monsieur John Ricci ou Ricciello, se serait fait montrer la porte lors de la dernière réunion d'investisseurs. En fait, à noter que ça fait depuis certain temps que EA gratte un peu à cause de succès médigé des derniers jeux qu'on sorti, dont The Old Republic, qu'on a parlé plusieurs fois, qui semble tomber en fuite oubliée, tout ça, mais c'est un investissement qui a été particulièrement coûteux à EA, ce MMO-là, et il semble pas rapporter comme promis. Et aussi, en même temps, faut se dire que John est le PDG qui actuellement a fait en sorte que EA a pris une tournure sur les copies digitales de ses produits au lieu du CD, le rehaussement des DRM dans les produits, et aussi qu'il s'en est jamais caché, a pris une politique de on produit plus de titres mais de moindre qualité. Donc plus cheapette, mais en plus en tout cas. Bref, c'est... Il va dans le sens de l'industrie, on en parle souvent à l'émission, mais de plus en plus de jeux à gros prix, on sort, puis qu'ils sont pas complets, puis on a... En tout cas, c'est ça. Dans le fond, DRM, DLC, c'est le responsable de cette tournure de EA qui fut jadis un glorieux studio qui, quand il y avait un jeu qui était tagué de leur nom, c'était une valeur sûre et caster. Ça dépend. On se garde une petite gêne. Sinon, ben parlant de ventes nouveau de l'industrie, on va parler d'une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle, c'est encore une fois très récent. Il y a un groupe de développeurs indépendants qui ont décidé que le marché des consoles de salon était stagnant et qu'il était temps qu'un nouveau joueur entre dans la partie. Et ce nouveau joueur, non, ce n'est pas Sega, ce n'est pas Atari. Ce n'est pas Steam, mais bel et bien les indie games, des développeurs de jeux indie. On en a déjà fait un dossier ici. Ceux qui savent pas c'est quoi un jeu indie, c'est les développeurs de jeux indépendants qui ont décidé de partir un Kickstarter pour dire, écoutez, il est grand temps que nous ayons une console qui soit développeur friendly, qui nous permettent de développer nos jeux à moindre coût. Et surtout, free-to-play. Free-to-play. Donc, la Ouya, console roulant sur Android, va voir le jour mars 2013. Parce qu'on rappelle que Kickstarter, c'est un site Internet où on peut lancer des projets, demander de l'argent au public pour pouvoir lancer nos projets. Ils demandaient $950 000 en 30 jours et on est à moins de 72 heures de l'annonce et on est rendu à combien, Andrew? J'actualise la page à 4 201 815 $. En moins de 72 heures, mesdames et messieurs. En moins de 72 heures. C'est assez incroyable. Il reste 27 jours, mesdames et messieurs. Et on demande quoi pour la participation au Kickstarter, Andrew? En fait, le minimum est $10. Si vous donnez $10, ça va vous permettre de réserver votre username, parce que ça va être une console qu'il va falloir que vous vous enregistriez avec votre code. Et ça vous permet, avant tout le monde, de le faire, et vous allez être très, très proche du développement de la console. Donc, vous allez faire partie de la newsletter pour, dans le fond, être au courant de l'évolution. Si vous donnez un petit peu plus, $25, vous allez avoir la même chose pour le username, mais vous allez avoir un blason sur votre compte disant que vous faites partie des membres fondateurs de la console. Et si vous donnez $99, vous avez tout ce qui vient plus haut, plus une console avec une manette au niveau de l'exclusivité. Dans le fond, vous avez votre console de réservée et elle va être shippée chez vous pour un frais de $20 si vous habitez à l'extérieur des États-Unis. C'est quand même pas pire. Qu'est-ce qui est quand même pas pire? Sinon, ça continue à monter tout ça, puis en même temps, si vous donnez dans les $1000, exemple, si vous donnez $1337, remarquez la référence. Vous allez avoir le Elite Développeur Spécial. Vous allez recevoir un numéro de hotline privé avec le Ouya. Donc, dans le fond, l'équipe de développement de Ouya. Si vous avez un problème avec votre console ou encore vous voulez la modifier ou quoi que ce soit, vous allez avoir un numéro privé pour rejoindre les gens en question. On peut entendre qu'Andrew est assez enthousiaste. Oui, bien sûr. Et aussi, vous allez être invité en tant que En fait, vous allez être invité, vous et un ami, à aller à Los Angeles, dans le fond, là, au lancement de la console. Mais il faut payer nos billets d'avion, par exemple. En fait, d'après qu'est-ce que je vois, dans qu'est-ce que j'ai lu, c'est « all in charge ». Oh, mon Dieu, quand même, ça vaut la peine à ce prix-là? Parce que si je me fie à ce que je vois, les autres, ils spécifient que les billets d'avion sont aux charges des personnes, tandis que ceux-là, ils ne disent pas. Oh, ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier. Mais évidemment, ça vient avec la console gravée, ce coup-ci, avec votre nom, et votre code d'utilisateur, numéro de série limité et tout le kit. Et en plus, ben, vous allez avoir un... Ils disent un... you will be lifting a serious gift bag backed with goodies. Oh, en plus, on aime toujours... Quand on est geek, on aime les goodies. Habituellement, en tout cas, moi, j'aime ça. Exactement. Et, le plus haut pledge, parce que je sais qu'il y a du monde qui aime ça, savoir la récompense ultime d'appuyer ce projet. Ben, en fait, vous allez avoir tout l'équivalent et vous allez être dans la Angel List et vous allez être considéré, dans le fond, dans le cercle interne des développeurs et designers indie et vous allez toujours être aimé par eux. Donc, vous allez devenir une légende. C'est quoi 5 000 $ pour l'amour éternel des développeurs de jeux indépendants? 10 000. C'est quoi 10 000 $ pour l'amour éternel des développeurs de jeux indépendants? Je vous le demande. Donc, une grosse nouvelle. En plus, vous allez avoir un dîner privé. Vous allez en plus. Avec les développeurs. Mais juste pour vous donner, c'est quoi la Ouya? Je vais vous donner un petit peu plus de détails. En fait, c'est, comme j'allais dire, c'est une console qui va rouler sur Android, une plateforme développée avec Android. Parce qu'il faut savoir, Android, oui, Google l'utilise pour les téléphones intelligents, mais ça reste une base linéaire. Linux et les certificats, les contrats que Google ont avec ce système-là, c'est qu'il est libre. Donc, si quelqu'un veut prendre le code, modifier Android à sa sauce pour faire un système d'exploitation pour une console, il a le droit. Et Google n'a aucun droit de dire non, tu n'as pas le droit de faire de l'argent avec mon produit. C'est pas le cas. Donc, eux, ils ont décidé de prendre Android, tout modifier ça, mettre ça dans une console pour faire vraiment une interface qui rappelle beaucoup le Xbox Live. Donc, dans le fond, on parle des carrés avec les images qui bougent, des cinématiques, avec une navigation onglet. Je vous dirais d'après qu'est-ce que je vois dans les images, ça a vraiment de l'air bien. Et qu'est-ce que, dans le fond, Ouya veut proposer? Ils veulent proposer une plateforme de développement à moindre coût pour les studios indépendants. Parce que le kit de développement pour Android, pour créer ces logiciels, il est gratuit. Donc, quelqu'un qui veut se partir un studio de jeu, Ça coûte pas cher en logiciel pour développer ses applications. Donc, il peut développer là-dessus, offrir son jeu en bêta gratuitement, dans le fond, sur le market. Et suite à ça, peut soit continuer à l'offrir gratuitement pour les propriétaires de la Ouya, puisqu'ils ont été des testeurs. Et à date, pas mal les gros studios de indie game vont vers cette mentalité-là, dont Mojang pour Minecraft, qui aime bien cette mentalité-là. Et parce qu'une fois que le jeu est développé, sur la Ouya, qui fonctionne, qui n'a plus de bugs, c'est beaucoup plus facile pour un studio indépendant de transposer ça sur une Xbox, une PS3, où là, les coûts pour justement transposer peuvent être chargés. Fait que si vous comprenez bien, vous avez la possibilité d'avoir une console où vous allez avoir plein de jeux gratuits. Et le prix de vente qu'ils visent, c'est 100 $ US. C'est pas cher. C'est pas cher. Et en même temps, eux autres, ils disent que la console va être hacker-friendly. Donc, si vous voulez ouvrir votre console, la modifier, tout le kit, développer vous-même vos propres périphériques pour la brancher dedans, ça va être possible et ça, vous ne briserez aucunement votre garantie. Ça, c'est vraiment intéressant. On va vraiment à l'opposé de l'industrie présentement, de la grosse industrie là, mainstream. Moi, je trouve ça franchement rafraîchissant et enfin. Parce que là, on fait plaisir au consommateur, on le laisse aller, on le laisse utiliser sa machine comme il le veut et il peut même en sortir des choses que des fois les développeurs peuvent pas penser justement ou... Moi, je trouve ça, moi, ça me jette à terre. Ça va être, je pense que ça va être un 100 $ que moi-même, je vais investir dans ce projet-là. Puis en même temps, ben, pour l'instant, ils disent que la machine, dans le fond, va être avec un processeur quad-core Tegra 3, dans le fond, qui est les processeurs qu'on retrouve dans les tablettes actuelles au niveau Android, 1 gig de mémoire vive, un espace de stockage de 8 gig, ce qui est quand même minimal, mais quand on regarde les indie games, ça prend jamais vraiment de place. Compatible 1080p au niveau de la console, qu'est-ce que Nintendo n'a pas fait encore avec la Wii? Toujours le fun de le rappeler. Oui, c'est toujours le fun. Après ça, le Wi-Fi intégré, Bluetooth intégré, USB 2.0 pour la connexion de périphérique et les connecteurs vont, les manettes vont être sans fil, deux joysticks, 8 boutons. J'ai vu les manettes là, puis ça rappelle beaucoup la 360. Ça rappelle beaucoup la 360, mais méchant beau design. Exactement, et la console va rouler sur Android 4.0. Ouais. Et en même temps, ben, plus que ça roule sur Android 4.0, ça rouvre une possibilité au multimédia. Donc, vous qui voulez votre console de salon qui lit tout, mais vraiment tous les formats de vidéo, vous allez l'avoir. Fait que c'est très intéressant. Toutes les applications, à date, ils veulent s'arranger pour que pas mal la majeure partie de toutes les applications Android fonctionnent sur la console. Donc, on parle de YouTube, on parle de Netflix, je cherchais le nom. Ça nous amène une belle alternative au PC, justement. Là, les gens qui veulent avoir quelque chose chez eux pour faire du multimédia, mais qui veulent pas s'équiper d'une tour. Exactement. Je pense qu'on contient quelque chose. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils veulent vraiment que quand vous achetez la console ou les jeux, ou mettons qu'il y a des jeux payants ou quoi que ce soit, que ça soit vous, le propriétaire du produit que vous avez acheté. Donc, si vous voulez modifier, si vous voulez pirater, si vous voulez cheater ou quoi que ce soit, c'est votre propriété, vous avez le droit. Faites ce que vous voulez. Enfin, une mentalité saine dans l'industrie du jeu. C'est à moi. Je fais ce que je veux avec. Et pour terminer, terminer avec la dernière nouvelle, le slogan de Ouya, faut que je le dise, Ouya, the revolution will be televised. Télévisé. Merci Andrew pour ton excellent anglais. Merci. Mais bref, la révolution sera télévisée. Mais bien hâte de voir ce quatrième joueur. Pour compléter niveau nouvelle très très très rapide, lors de la dernière émission, on avait parlé de la conférence de presse de Nintendo où on disait Nintendo, c'est le moment, présentez des choses, dites des choses sur votre Wii U. Il nous disait il va avoir des annonces, on se disait ça va être la Wii U, il n'y a pas eu d'annonce réelle, tangible, et non. Non, ils nous ont pas écoutés, on était tous enthousiastes, on disait le président de Nintendo America nous a écoutés, on est big. On a eu la confirmation que le président de Nintendo America ne parle pas français. Non, même si son nom est français. Bien aimé. Mais bref, ils ont annoncé une Nintendo 3DS XL, dans le fond, console avec une mouture ressemblant à la DSi XL, donc on parle d'une console plus grosse encore que qu'est-ce que la 3DS l'est déjà, avec un écran 90% plus large. Et en fait, il n'y a pas vraiment de grosses mises à jour, en fait. Ils disent qu'ils ont amélioré la batterie, mais ils mettent un écran de 90% plus gros, donc ça va prendre plus de jus dans la batterie. Fait que bref, mais la plus grosse déception, c'est que tout ce qui est accessoire pour la 3DS qui est sorti, à part le câble de courant, ne sont pas compatibles. Mais est-ce que t'es vraiment surpris, Andrew? On en a parlé hors d'onde, là. On trouvait ça dommage, mais est-ce qu'on est vraiment surpris de la part de Nintendo, qui sont les rois de l'accessoire, là? On regarde la Nintendo DS. Ils ont sorti la Nintendo DS Lite, ils ont sorti la Nintendo DSi. Ah, si on enlève les versions là, XL, là, juste ça, c'est deux consoles que la bonne partie, je parle pas des étuis là, ça c'est, ouais, c'est une lutte qu'on gagnera jamais que les étuis fassent pour jouer une console à une autre, mais au moins tout ce qui était accessoire qui se connectait dans la console autre que l'étui marchait parce que c'est la même console. Mais là, c'est la même console, ils l'ont engrossi. Puis là, juste un exemple, il y a des jeux qui utilisent deux joysticks, j'en ai parlé, j'ai fait une montée de lait quand j'ai parlé de cet accessoire là. Non seulement ça marche pas, puis ils n'ont pas mis le deuxième objectif. Fait que si tu as déjà une 3DS avec le jeu, avec le fameux accessoire en question, mais il va falloir que tu attendes que le nouvel accessoire sorte, puis tu le rajettes encore. Moi, personnellement, je suis sidéré. Et la console va se vendre 199,99, soit 30$ plus cher que la 3DS. Mon opinion, ça vaut pas la peine. À moins de pas avoir de 3DS. Même encore là, on regarde la DSi XL, ça rentre dans une sacoche. Ça se traîne pas dans les poches. Bon. Ça te prend une charrette pour traîner. Puis on parle de console portable. C'est ça. Là, là-dedans, vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de Wii U parce qu'il n'y a pas eu d'annonce. Non, il y a eu un peu de gameplay footage qui ont été montrés, mais il n'y a pas eu de grosse annonce. Encore une fois, Nintendo garde le tout dans le secret. On a hâte de voir ça. Peut-être à l'automne, qui sait, ou peut-être qu'ils vont se déniaiser avant la fin de l'été. Qui sait. Et avant de terminer l'émission, on s'en va avec une excellente chanson du groupe Crampes en masse. Vous entendez la chanson Objet perdu à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Saint-Eustache, un homme avait envie de faire l'amour, mais sa blonde, ça y tentait pas. Ça fait qu'Aya a coupé la graine. Les femmes sont folles, elles nous coupent toute la graine pour faire comme la fille des États-Unis. Mais nous autres, les gars, on dit pas aïe, on dit où c'est qu'elle est ma graine. Es-tu dans le champ où c'est qu'elle est ma graine? L'as-tu floché ou tu l'as mis ma graine? As-tu fait des sandwichs au jambon de graine? Dépêche-toi, j'ai envie de pisser. Qu'est-ce que tu manges, là? J'ai trouvé ça à terre. Mets pas ça dans ta bouche, c'est pas propre. Oh mon Dieu, les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de charbon dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson. On est toujours dans le très intellectuel ici à Puissance Maximale. On remercie Crampe en masse pour cette excellente chanson. Et oui, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. On remercie Madame Chantal Campagna de Distribution d'Outre qui est venue nous parler des jeux de plateau encore une fois. Très belle collaboration. On est toujours content de l'entendre ici à l'émission. Je remercie M. Andrew Castegan pour sa participation. Toujours un plaisir, toujours en attente de la Wii U, je reste aux adrets. Merci Andrew et merci de ton travail à la console également. Et mon amour, c'est Michael Michaud, toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeux et univers geek. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet de le www.puissancemaximale.com où vous pouvez trouver nos anciennes émissions et bien d'autres choses encore. Sur le Facebook, bien évidemment, Puissance Maximale, vous cherchez ça dans la barre de recherche, vous allez nous retrouver. Et il y a aussi le site de CKIA FM, donc le CKIA fm.org pour aller chercher votre carte de membre. Tout de suite après nous, c'est M. Benoît Quentin avec l'émission La Bande Originale pour de l'excellente musique de film. Je vous suggère fortement de rester à l'écoute pour cette excellente émission. Et je vous souhaite en terminant une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die.